Auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, la radio libre et locale. Locale et libre, que vous voulez. Eh bien, calendrier des esclavages et de libération. Hein. Et alors, le programme de ce soir, eh bien, mon urgence pour la jeunesse de NUP. Ensuite, Annie Dupéré, dans un monde, un regard. Une émission qui a été enregistrée sur Public Sénat. Public Sénat, c'est une chaîne qui, culturellement, qui tient la route quand même, hein, contrairement à beaucoup d'autres chaînes. Hein. Alors, ensuite, Klima Viktorovitch, la rhétorique de l'impopularité. Mm-hmm. Ensuite, Leïla Chabi, de la France Insoumise, notre GPS n'est pas soumis à l'algorithme d'Uber. La traduction, ben, vous l'aurez. Élection législative Adrien Quatennens, Manon Aubry, Macron et la présidence de l'Union européenne, Fakir, 28 réacteurs nucléaires arrêtés sur 56, la moitié. Hmm. Tout va bien. Enfin, c'est ce qu'on veut nous dire, certains. Quand les médias nous parleront Afghanistan et immigration, et puis Roland Gary, une époque sans esprit. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Thank you. le calendrier des esclavages et des libérations. En 1381, en Grande-Bretagne, pendant la guerre de Cent Ans, de 1337 à 1447, dans la nuit du 13 au 14 juin, le peuple révolté, massé place Sainte-Catherine, demande à Richard II et à ses ministres, enfermés dans une tour, où est allé l'argent des impôts depuis 5 ans. 1866, USA. Le Congrès assure l'égalité civile aux Noirs en réaction au Ku Klux Klan, qui vient d'être créé. 1882, Russie. Débat de la législation ouvrière. Une loi limite le temps de travail des mineurs dans les entreprises. Une inspection ouvrière est instituée. 1900, Chine. Les boxeurs, point de la justice, entre guillemets, point de la justice, P-O-I-N-G, S de la justice, qui depuis 5 ans met en cause la présence occidentale en Chine, assiège les ambassades étrangères à Pékin. 1907, France. Suite à la révolte des vignerons, 129 maîtres démissionnent dans l'Aude, 124 dans l'Hérault, 75 dans les Pyrénées-Orientales et 3 dans le Gard. 129 maires. J'ai dit maires ou maîtres ? Maires. Oh, les maires sont un peu des maîtres aussi, mais non, ce sont les maires. 1917, France. Pendant la Première Guerre mondiale, une consigne de presse aux journaux leur demande de ne laisser passer sur les grèves en France que les informations communiquées par le ministère de l'Intérieur. Eh oui. 1962, Italie, grève de 1 200 000 travailleurs pour appuyer les négociations de contrats entre les syndicats de la métallurgie et le patronat. 1982, Pologne. Manifestation très violente dans plusieurs villes à l'occasion du début du 7e mois de l'état de guerre. Il y a officiellement 238 arrestations. Voilà. Alors on en est là parce que mon livret s'arrête en 1982, mais après les combats concernant les esclavages et les libérations, ce n'est pas fini en 1982, bien entendu. Hein, ce n'est pas fini non plus en 2022. Il va falloir encore se retrousser les manches. Hein. Et oui, ceux qui veulent que ça change, il faut agir. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence sur place et en ligne pour notre conférence de presse de présentation de notre plan d'urgence pour la jeunesse. Alors on a choisi de tenir cette conférence de presse aujourd'hui puisqu'on se situe au lendemain du démarrage des phases de sélection sur Parcoursup. Donc c'est le moyen pour nous de montrer notre ferme opposition à ce tri social qui plonge d'ores et déjà dans l'angoisse, dans l'incertitude des centaines de milliers de futurs étudiants. Puisque Parcoursup, c'est par exemple l'année dernière, c'est 109 000 jeunes qui n'ont pas reçu d'affectation à la fin de la procédure, donc soit parce qu'ils n'ont pas eu d'affectation du tout, soit parce qu'ils ont été découragés. Donc on tenait à apporter tout notre soutien à la fois aux bacheliers, mais aussi à leurs familles qui, depuis des mois déjà, ont entamé ce parcours du combattant et qui, depuis hier et dans les prochains jours, verront injustement des portes se fermer. Puisque Parcoursup, c'est un système absurde qui ne prend pas en compte les aspirations des jeunes puisqu'on ne peut plus hiérarchiser ses vœux. Donc on n'a aucune indication sur les préférences des jeunes. Donc tout ce qui compte avec Parcoursup, c'est le classement. Donc effectivement, les élèves les mieux classés pourront choisir leur filière. Mais pour les autres, eh bien, c'est simplement ce qu'il reste. Et pour ceux qui sont les moins bien classés, c'est simplement au courant de l'été qu'ils auront leurs résultats, ce qui ne leur permet pas de se projeter et encore moins de trouver un logement, sachant que ceux qui sont souvent les moins bien classés sont aussi ceux qui ont le moins de ressources. Donc Parcoursup, c'est une façon de rendre encore plus compliqué l'accès à l'enseignement supérieur pour le milieu populaire. Parce que on est en fait face à un choix qui a été fait de faire de la sélection plutôt que d'anticiper l'augmentation du nombre d'étudiants et d'investir en conséquence dans l'enseignement supérieur. Parce que c'est une augmentation du nombre d'étudiants qui était prévisible, on le savait, on ne l'a pas fait. C'est un choix politique que nous, on dénonce aujourd'hui. Et puisque on a une dotation par élève, par étudiant, qui est en baisse de 10% depuis ces 10 dernières années. Donc ça, on le dénonce très fermement. Et puis l'abolition de Parcoursup, c'est effectivement un point crucial du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais c'est pas la seule chose qui est à dénoncer avec ce qu'a fait Emmanuel Macron durant ce quinquennat. C'est un quinquennat qui n'a permis en aucun cas l'émancipation de la jeunesse. Ça a été un quinquennat qui a été très violent et on a peut-être toutes et tous en tête deux images très symboliques de ce quinquennat. La première, c'est celle des 150 lycéens de Mantes-la-Jolie qui ont été mis à genoux, main derrière la tête, par des policiers alors qu'ils dénonçaient simplement la sélection à l'université. Et puis c'est aussi les files d'attente interminables des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants devant des associations caritatives simplement pour pouvoir se nourrir pendant la pandémie. Donc quelle que soit la diversité des parcours des jeunes, de leur situation, eh bien on a subi les conséquences désastreuses d'un gouvernement qui a fait le choix d'étendre le marché partout, à tous les secteurs de la vie sociale, et qui rend en fait impossible la vie aux jeunes. Donc oui, il est dur aujourd'hui d'avoir 20 ans sous Emmanuel Macron. Il y a aujourd'hui un quart des 18-24 ans qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est aussi un jeune étudiant sur deux qui est obligé de travailler pendant ses études pour pouvoir financer à la fois les dépenses du quotidien, mais aussi les études. Et puis en 2021, c'était 619 000 jeunes qui étaient au chômage. Donc on a affaire à de plus en plus de jeunes qui doivent aussi avoir recours à des prêts bancaires. Et puis il y a une autre difficulté qu'on va aborder, c'est celui de l'accès au logement. Or, si on n'a pas accès au logement, eh bien on ne peut pas construire sa vie, on ne peut pas s'émanciper de ses parents, parce que bien souvent, des jeunes sont obligés, non pas par choix, mais par nécessité de rester chez les parents, alors qu'ils aimeraient bien pouvoir s'en aller. Donc Emmanuel Macron, il n'a rien mis en œuvre pour faciliter la vie des jeunes, leur autonomie, leur émancipation. Nous, c'est bien ce qu'on compte faire avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et c'est ce qu'on va présenter tout de suite avec notre plan d'urgence pour la jeunesse. Donc je laisse la parole à Aurélien Lecoq, co-animateur des Jeunes Insoumis. Merci Emma, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme l'a dit Emma, on est au moment du lancement de Parcoursup, et chaque année, c'est un moment particulier d'angoisse pour les jeunes et les familles, et c'est pour ça que on a voulu faire ce plan d'urgence et apporter tout de suite nos propositions. Donc, il est très clair que si la nouvelle Union populaire écologique et sociale était amenée à être majoritaire à partir du 19 juin, si nous composions un gouvernement, eh bien, tout de suite, nous prendrions les mesures nécessaires pour que plus jamais cela n'arrive. Et donc, nous le disons, nous abrogerons Parcoursup purement et simplement, et je pense que rien que cela déjà serait un soulagement pour un nombre très important de jeunes. Ensuite, nous le disons, nous mettrons fin à la sélection à l'université, que ce soit à la fois la sélection en licence, mais aussi la sélection en master, parce que nous pensons que étudier est un droit et qu'à partir du moment où on est entré dans ce cursus universitaire, dans le cursus de l'enseignement supérieur, eh bien chacune et chacun doit pouvoir aller au bout. Cette question de l'enseignement supérieur, de la recherche également, c'est à la fois une question d'égalité, d'émancipation, puisque nous pensons que c'est là aussi le rôle de l'école, et certains y reviendront après moi, mais aussi le rôle de l'enseignement supérieur. Mais c'est aussi un besoin que nous avons aujourd'hui très fort pour nous engager dans la bifurcation écologique, pour faire la planification écologique que nous voulons faire. Nous avons besoin d'avoir une population qui puisse monter en compétences, monter en qualifications et que celle-ci soit ouverte à toutes et tous. Donc, l'enseignement supérieur non seulement ne sera plus sélectif, mais il sera également gratuit, n'en déplaise à Emmanuel Macron et à la Première ministre, on l'espère, bientôt sortante. Nous rétablirons la gratuité de l'enseignement supérieur public dans l'ensemble des formations, et cela de la licence jusqu'au doctorat. Évidemment, le fait de permettre à chacune et chacun d'entrer dans l'enseignement supérieur, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait un investissement massif de l'État pour que ce soit le cas. Un investissement qui soit à la fois un investissement humain, pour qu'il y ait tout simplement plus d'enseignants-chercheurs, pour qu'il puisse y avoir plus de personnel administratif, de personnel technique, que bien trop souvent on oublie lorsque l'on parle d'enseignement supérieur, mais qui sont pourtant celles et ceux qui font fonctionner nos universités au quotidien. Mais cela veut dire aussi qu'il faudra qu'il y ait des nouvelles infrastructures, des nouveaux bâtiments, parce que nous ne serons pas, une fois au gouvernement, celles et ceux qui constateront à chaque rentrée ces amphithéâtres qui débordent avec des étudiantes et des étudiants qui sont assis sur les marches partout et qui ne peuvent pas étudier dans des bonnes conditions. On le sait, ces mauvaises conditions d'études, elles sont aussi celles qui provoquent l'échec et les difficultés à pouvoir aller jusqu'au bout de ce diplôme. C'est donc 30 000 personnels enseignants que nous recruterons au plus vite. Ensuite, on veut également mettre fin à la concurrence qui existe aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, et l'augmentation des dotations pour celui-ci se fait dans cet objectif. On veut que les enseignants-chercheurs puissent enseigner, puissent chercher, mais n'aient pas à se mener la guerre les uns contre les autres pour courir après les financements. Le financement, ce qu'on a appelé le financement à l'excellence, le financement concurrentiel, fait qu'aujourd'hui, on a des enseignants qui doivent passer une partie de leur temps à essayer de créer des projets qui soient plus vendables, qui paraissent plus attractifs que le laboratoire d'à côté. Eh bien ça, c'est pas possible. Nos enseignants-chercheurs sont pas là pour se faire concurrence, ils sont là pour pouvoir transmettre. Et donc, cette augmentation des financements mettra fin à la concurrence, je l'ai dit, fin à la concurrence entre les étudiants, fin à la concurrence entre eux. Les enseignants. Avant de passer la parole aux autres représentants des organisations de jeunesse, je voudrais simplement finir en disant que c'est important dans l'enseignement supérieur, mais que on va revenir ensuite là sur l'enseignement secondaire, sur l'enseignement primaire également, mais je voudrais attirer votre attention sur l'importance pour nous de l'enseignement professionnel et l'enseignement technologique, car si nous voulons réussir justement cette transition écologique, cette bifurcation écologique, eh bien nous aurons besoin d'énormément de techniciens qui soient formés, on aura besoin d'avoir un nombre plus important de lycées agricoles, puisque si nous voulons sortir de l'agriculture intensive, eh bien il faudra pouvoir avoir des paysans, des gens qui savent travailler la terre d'une manière différente, et tout cela ce sont bien évidemment des formations. Il faut le rappeler aussi, aujourd'hui c'est 50% d'une classe d'âge qui passe par l'enseignement professionnel et technologique. Et donc là aussi, il faudra augmenter les moyens et il faudra faire en sorte qu'il puisse y avoir des établissements pour les accueillir. C'est pour ça qu'on propose la création de centres polytechniques qui vont permettre de délivrer des diplômes du CAP au BTS. Voilà, je crois qu'on a un plan ambitieux et que les jeunes de ce pays ont toutes et tous intérêt à ce que la nouvelle Union populaire écologique et sociale soit victorieuse le 19 juin pour retrouver des bonnes conditions d'études. Et je laisse la place à la suivante. Bonjour, moi c'est Pauline Rapi-Ferniaud, je suis candidate à Boulogne-Billancourt et je suis d'Europe Écologie Les Verts, parce que tu n'avais pas l'air de trop me situer, mais enchantée. On est tous ensemble, c'est ce qui compte. Exactement. Donc je suis très contente qu'on se fasse parler des jeunes au sujet de la jeunesse, mais sachez que nous, les jeunes qui nous engageons dans les partis politiques, c'est pas simplement pour défendre la jeunesse. Moi, si je fais de la politique, c'est aussi parce que mes aînés dans les EHPAD, eh ben, ça me tient à cœur de savoir qu'ils sont bien traités. Mais donc là, comme il faut parler des jeunes, nous, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, notre objectif c'est que chacun, chacune puisse décider librement de son avenir. Aujourd'hui, le travail lycéen et étudiant, c'est une des causes principales du décrochage dans les études. Le temps pour étudier, il chute face au temps qui est utilisé pour le travail salarié. Et les enseignants en lycée professionnel, ils constatent qu'il y a de plus en plus de leurs jeunes lycéens qui décrochent au profit d'un travail salarié à temps plein. Et donc c'est à la fois se condamner sur le long terme à la précarité et aussi priver quelque part la société des compétences dont on aura besoin pour l'avenir. Et donc nous, ce qu'on mettra en place quand on sera avec le gouvernement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est une allocation autonomie jeunesse qui sera ouverte également aux jeunes inscrits dans l'enseignement professionnel à compter de leurs 16 ans et qui sera fixée au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1063 euros. Elle sera aussi automatisée pour lutter contre le non-recours. Et on va aussi travailler pour que les indemnités de stage soient augmentées immédiatement. Et en parallèle, on fera des négociations avec les branches patronales pour discuter des postes ouverts à stage afin de lutter contre la pratique qu'on a tous et toutes connue en réalité des CDD déguisés. Et ça s'inscrit dans la suite d'un combat qui est porté depuis longtemps aussi par nos organisations politiques et par exemple par des, je veux pas dire des vieux, mais des anciens jeunes comme Génération Précaire qui se sont mobilisés pour que les stages soient rémunérés à partir de 2 mois. Et donc on va continuer cette bataille parce qu'en réalité il n'y a aucun de ces droits qui nous a été donné, ça a été arraché. Donc avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, l'idée c'est d'avancer pour avoir des stages correctement indemnisés pour tout le monde. Et pour conclure, là on a parlé en fait des moyens matériels qui permettent de choisir librement son avenir, mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Nous, notre génération, quand on a dû choisir les études qu'on devait faire, il y avait quelque chose qui pesait déjà sur nos épaules, c'est le dérèglement climatique. Et en fait, moi, quelque chose qui m'a toujours préoccupée quand j'ai dû choisir quelles études je voulais faire et qu'est-ce que je voulais faire plus tard, eh ben c'était où est-ce que je serais le plus efficace pour lutter contre le dérèglement climatique. Et je pense que s'il n'y avait pas de lutte contre le dérèglement climatique à mener, je pense que je serais pas en train de faire de la politique aujourd'hui, et en fait j'aurais voulu faire de la recherche en histoire, mais je me disais que la recherche en histoire ça faisait rien pour garder le monde sous 1,5 degré. Et ça, c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui sur notre génération et qui est aussi importante à prendre en compte. Et avec un gouvernement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, je sais que les jeunes seront moins angoissés par cette idée de dérèglement climatique parce qu'au moins, on aura au pouvoir des personnes qui prennent au sérieux cette question et qui mènent une politique dans cette direction. Merci et je laisse la parole à Noé Petit. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, je suis Noé Petit, candidat dans la 3e circonscription du Loir-et-Cher, et là je représente Europe Écologie Les Verts et les jeunes écologistes. Alors pour me situer, j'ai 18 ans, donc je viens de finir mon année de terminale, finir parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, et normalement je crois que les lycéens ont donc terminé leur année scolaire. Et donc si vous voulez, je sais très bien de quoi on parle quand on parle d'école, de lycée et de collège, puisque c'était il y a quelques mois pour moi. Et je peux vous dire qu'on a l'impression, franchement, hein, que nos politiques, nos ministres nous parlent tout le temps d'école. Mais alors, dans tout ce qu'ils proposent, ça n'a jamais eu aucun rapport avec les problématiques que nous, les élèves, on vit au quotidien dans les lycées. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a des gens qui prennent des décisions pour nous alors qu'ils ont mis les pieds 2 fois dans une école, c'était pour faire des photos avec des journalistes. Donc, concrètement, nous, ce qu'on propose, c'est de reconstruire et de repenser l'école de la République. C'est-à-dire l'égalité des chances, le bien-être des professeurs et des élèves, et puis bien sûr le rôle de l'école, la formation et l'orientation. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de faire mieux que la moyenne européenne, c'est-à-dire d'avoir moins de 19 élèves par classe. Et puis évidemment, pour ça, va falloir recruter des professeurs. Donc il va nous falloir adopter un plan pluriannuel de recrutement pour l'ensemble du concours de l'éducation nationale, et même un plan de pré-recrutement pour pouvoir permettre aux jeunes étudiants qui veulent se lancer dans l'enseignement de pouvoir avoir accès à ce magnifique métier qui est celui d'enseignant. Nous, ce qu'on propose aussi par rapport à l'orientation, c'est de réinstaurer un service public national de l'orientation, mais en s'associant, et ça c'est la particularité, avec les collectivités territoriales et notamment les régions. Parce que qu'est-ce qui est primordial? C'est que quand on vit dans la ruralité, pour moi, comme moi je vis dans la ruralité, dans le Loir-et-Cher, et bah, une fois qu'on a passé le lycée, et bien on dégage de nos territoires puisqu'il n'y a plus d'études supérieures. Et là, d'avoir des collectivités territoriales qui rentrent en jeu dans les questions d'orientation, eh bien ça va permettre de mettre le paquet sur quoi ? Sur les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture, sur ceux qui veulent innover avec des TPE, PME. Et donc ça va permettre aux jeunes de rester dans les territoires, puisqu'ils auront des formations adaptées au développement territorial. Et ça, ça va être hyper important. Quand je parle de formation, alors évidemment, on pense à la formation aux métiers d'avenir dans le cadre de la bifurcation écologique et sociale. Donc on pense, comme je l'ai déjà dit, aux agriculteurs, on pense aussi aux bâtiments avec l'isolation. Évidemment, pour ça, il va falloir augmenter le nombre de lycées professionnels et agricoles publics. Mais ce n'est pas le sujet dont je voulais parler. Quand je parle de formation, je veux revenir au sens propre du mot. Quand on parle d'école publique, normalement, l'école publique, quand elle a été fondée, c'est pour former les citoyennes et, enfin, c'est pour former les enfants à être des citoyennes et des citoyens de la République. Donc, c'est-à-dire que normalement, quand on sort de l'école, on sait ce que c'est le Parlement, on sait ce que c'est un maire, un président, un député. Actuellement, ce n'est pas le cas. Je peux vous dire que quand j'ai dit à mes camarades de classe que j'étais présent, que je me présentais aux élections législatives, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont fait législa quoi? Ou législatif pour élire les députés. Donc, faut pas s'étonner que les jeunes s'abstiennent. Puisque en fait, ils ne se sentent pas concernés par la vie politique. Et je pense sincèrement que le rôle de l'école, si on veut lutter contre l'abstention et si on veut que les jeunes reprennent en main leur destin par rapport à l'urgence écologique et sociale, il va falloir former à cette citoyenneté à l'école. Et donc, le problème, c'est que quand on fait des cours d'éducation morale et civique, déjà, c'est une demi-heure par semaine, toutes les deux semaines, là, il va falloir des cours d'éducation morale et civique où on ne présente pas la politique comme quelque chose réservé à des élites, où c'est « Ah, c'est des gens qui ont fait Sciences Po, l'ENA, c'est des ministres, c'est des députés, c'est des stars ». Non, non, non, non. La politique, c'est des gens du terrain, comme vous et moi, et tout le monde peut faire de la politique. Et d'ailleurs, tout le monde devrait faire de la politique, puisqu'on est en République. Et donc, il va falloir avoir voilà, des cours participatifs, où on apprend aux jeunes à débattre, on leur fait comprendre le rôle des institutions, parce que c'est ça, le rôle de l'école publique, c'est de former les citoyennes et les citoyens à être, c'est de former les enfants à être des citoyennes et des citoyens de la République. Voilà, merci. Et je laisse la parole à... Eh ben, je t'en prie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Emma Rafovitch, la présidente des Jeunes Socialistes. C'est un plaisir aussi d'être avec des camarades aujourd'hui pour présenter ce plan d'urgence pour la jeunesse. Je crois qu'on l'a dit beaucoup, et c'est peut-être le fil rouge aussi des différentes interventions qui ont eu lieu avant ma prise de parole, la détresse des jeunes est aujourd'hui le sujet qui nous préoccupe, auquel nous voulons répondre, et auquel, malheureusement, Emmanuel Macron et son gouvernement de droite n'a pas réussi à répondre, à part avec du mépris ou du rejet de cette génération. Nous n'en pouvons plus d'être appelés génération sacrifiée, et nous voulons être émancipés. Pour l'émancipation des jeunes, il faut un accès aux services publics, il faut un accès à finalement tout ce qui peut nous rendre autonomes, tout ce qui peut nous émanciper dans la vie de tous les jours. Et cela passe également par l'accès à la culture. La culture, ça pourrait finalement vous paraître absurde d'en parler aujourd'hui, et pourtant. Et pourtant, la culture, ça fait partie de ces éléments de nos vies qui finalement les rend plus agréables à vivre, qui fait qu'on sort aussi de chez nous, on sort de notre quotidien pour découvrir d'autres choses, pour s'ouvrir à d'autres cultures, s'ouvrir à d'autres pratiques. Aujourd'hui, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous voulons aller vers davantage de gratuité dans la culture, dans la gratuité par exemple pour les musées, mais nous voulons aussi pousser pour davantage de médiation culturelle, pour découvrir d'autres choses, pour avancer ensemble et créer des collectifs citoyens pour la culture. Nous voulons financer davantage la médiation culturelle et notamment permettre une orientation massive d'emplois jeunes vers ce domaine. Vous l'avez vu aussi, les billets pour aller au cinéma, et on vient juste de sortir du Festival de Cannes, beaucoup peut-être ont envie d'aller au cinéma, mais les billets coûtent cher. En 30 ans, le prix du billet a été multiplié par 16. Cette réalité est insupportable pour nous, et nous voulons permettre l'encadrement du prix du billet de cinéma, l'encadrement des tarifs. Nous voulons aussi avancer vers davantage d'émancipation et permettre que partout en France, les jeunes puissent se déplacer. Se déplacer, c'est finalement la première étape vers la liberté. Et aujourd'hui, nous voulons aller davantage vers la gratuité des transports. Et nous voulons également mettre en place, déployer un dispositif de billet unique pour accéder à tous les moyens de transport sur un même territoire. Également, on parle beaucoup aujourd'hui d'émancipation, de nos valeurs et de ce qui nous unit. Et nous pensons qu'une des cultures aussi que nous devons investir davantage, un territoire que nous devons également investir davantage, nous les jeunes, c'est également celui de la francophonie. Et nous aimerions développer également un dispositif d'Erasmus francophone afin de permettre à toutes et à tous de s'émanciper et d'apprendre davantage. Je vous remercie et je passe la parole à Anne-Zil Tajamal. Alors, comme tout le monde, je pense que c'est un plaisir pour moi, en tant que secrétaire générale des Jeunes Socialistes, de pouvoir vous parler de deux thématiques qui m'importent énormément, qui sont la santé et le sport. Je vais d'abord commencer sur le sport, évidemment. Comme l'a dit Emma, c'est pas seulement une question de coût qui nous empêche de faire du sport, c'est aussi une question d'accessibilité. Et le sport, ça reste une bonne habitude à prendre, et c'est la raison pour laquelle on estime, avec la NUPS, qu'il faut, dès le plus jeune âge, notamment la primaire, avoir 4 heures de sport effectives, ce qui n'est pas le cas partout, 4 heures de sport effectives de la primaire jusqu'au baccalauréat, et de favoriser ainsi les pratiques sportives avec l'éducation nationale. On va aussi participer notamment à la création d'associations sportives dans tous les établissements scolaires du premier degré, parce que l'objectif de notre collectif, de notre parti politique, de la NUPS, c'est évidemment de rendre gratuit et accessible à toutes et tous le sport, l'éducation sportive. Ça signifie notamment qu'on ne souhaite pas laisser en fait le sport à des catégories en fait favorisées, et on veut faire en sorte que tous les enfants puissent se rejoindre ensemble et faire du sport, parce qu'en gros le sport, c'est aussi des valeurs de collectif, c'est des valeurs où justement on apprend avec les autres, on apprend avec nos différences, et pour nous c'est aussi on m'entend pas très bien, pardon. C'est aussi un élément qui pour nous est crucial, parce que du coup il nous permet en fait de mettre en place des valeurs qui nous sont très chères, qui sont évidemment celles du collectif. Évidemment, il y a aussi bien sûr la question de la favorisation de la gratuité des activités sportives pour les populations les plus pauvres, avec une prise en charge à 50% des licences sur critères sociaux par l'État dès cette année. Alors l'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'aller vers la gratuité, et on vous propose dès le 19 juin et après le second tour évidemment, d'arriver avec des députés qui proposeront une loi et qui prendront en charge les licences à 50% pour les personnes les plus défavorisées, parce que justement sur la base de critères sociaux évidemment, parce qu'on estime que c'est là où c'est le plus cher en fait, les licences sont les plus chères, et c'est ce qui empêche généralement les familles de mettre leurs enfants dans des clubs de foot, des clubs de basket, etc., et donc de faire du sport. C'est ce qu'on trouve excessivement dommage. Bien sûr, c'est aussi accompagné par un plan national d'urgence pour la construction et la rénovation d'équipements sportifs, parce que c'est le cas dans beaucoup de territoires, je pense, où on a notamment des centres sportifs qui sont un peu délaissés, qui sont abandonnés, qui n'ont pas tous les équipements. Et c'est aussi une prise en compte de notre part de se dire qu'on a le droit de faire du sport dans de bonnes conditions, et notamment encadré par des enseignants et des entraîneurs et des entraîneuses. Ensuite, sur la question de la santé, qui est un élément, je pense, qui nous a énormément tous touchés en tant que jeunes pendant la crise Covid, où globalement notre santé mentale va mal, que notre jeunesse va mal. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de mettre en place un plan justement pour faire en sorte que nos jeunes aillent mieux. C'est notre plus grand objectif aujourd'hui. Il faut savoir qu'au niveau des chiffres, c'est assez alarmant. Il y a quand même un jeune sur quatre qui se dit souvent déprimé en France, selon un rapport de l'UNICEF. Il y a 22% d'augmentation du chiffre de gestes suicidaires chez les femmes jeunes. Donc selon un rapport de Santé publique France. Et en fait, tous ces éléments-là nous prouvent que nous, on va mal. Et nous, en tant que jeunes, je pense que dans toutes nos formations politiques, et du coup avec la NUPS, qui est aujourd'hui une force politique, on va justement tenter d'amener le sujet de la santé mentale sur place. Et pour cela, on a une volonté de vouloir mettre en place des effectifs suffisants dans les services de santé universitaires. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un accès à la santé et à la prévention et à l'accompagnement psychologique de qualité, évidemment, parce que c'est pas toujours le cas aujourd'hui dans nos différents territoires. Grâce au doublement des budgets, notamment du budget santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives, et en doublant ce budget-là, cela nous permettra de vraiment relancer tout ce qui est tout ce qui est recrutement en fait de personnes compétentes, donc des psychologues bien évidemment, et bien sûr des personnels administratifs et des cadres d'accueil spatiaux, et enfin de rénover en fait nos cadres d'accueil dans ces différents services pour avoir des cadres spatiaux et bienveillants. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que la santé mentale aujourd'hui, c'est souvent quelque chose de négligé, et il faut vraiment faire attention à tout ça, parce que nos jeunes, encore une fois, vont très mal. Bien, bonjour à toutes et à tous. Hassan Lakeoul, je représente le Parti communiste français et je suis coordinateur national du mouvement des jeunes communistes de France. Je tenais, moi, à venir pour pouvoir rappeler que, quand même, la jeunesse regorge de forces vives. Et il y a un potentiel transformateur énorme dans notre génération. Mais ce potentiel, il vient se briser sur une société capitaliste, sur une société ultralibérale, sur une société qui nous met en concurrence les uns contre les autres et qui est incapable de répondre à nos besoins et à nos aspirations. Avec l'ANUPS, nous disons que la jeunesse n'est pas un problème, mais au contraire, c'est une solution. Et ce qu'on veut, c'est construire une France qui fait le choix de l'avenir, qui garantit un emploi ou une formation à toutes et tous, qui supprime Parcoursup, qui ouvre en grand les portes de l'enseignement supérieur, qui promet un travail à chaque jeune. Un travail émancipateur, donc un travail qu'on a choisi, et un travail digne, donc un travail qui paye correctement. Et c'est pour cette raison qu'on propose d'interdire toutes les rémunérations en dessous du nouveau SMIC qu'on aura porté à 1500 euros net. Puisque ce sont souvent les jeunes qui font les frais de ces emplois sous-rémunérés, que ce soit dans les stages, dans les périodes d'apprentissage ou pendant les alternances. Voilà donc notre ambition partagée sur la jeunesse. Après, on a des différences, et vous le savez, sinon on serait dans le même parti. Par exemple, les communistes, nous ne sommes pas favorables à l'idée de création d'emplois jeunes à durée limitée. On s'y opposait quand d'autres gouvernements ont voulu le faire, et nous le ferons demain à l'Assemblée nationale, comme indiqué dans le programme que vous avez toutes et tous eu. Et vous savez, je pense que le plus important, c'est que je suis persuadé que c'est ça qui fait la force aussi de la gauche, c'est d'avoir une gauche avec des débats, une gauche avec la diversité, et donc demain, avec l'ANUPS, il y aura des débats au Parlement, et je pense que ça nous fera un bien fou, et c'est très important pour notre démocratie. Le plus important, je pense, c'est qu'on soit d'accord sur l'essentiel, et donc on est toutes et tous d'accord pour mettre des moyens dans le service public, pour réduire le nombre d'élèves par classe, pour augmenter le temps d'heures passées à l'école, au collège et au lycée. On est d'accord pour conquérir des jours heureux et conquérir de nouveaux droits pour la jeunesse. Cette ambition, nous la partageons toutes et tous. L'espoir est à portée de bulletin, donc le 12 et 19 juin, faisons élire le plus de députés de gauche possible. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Jeanne Péchon, je suis secrétaire nationale de l'Union des étudiants communistes et je représente avec Hassan aujourd'hui le Parti communiste français. On l'a rappelé à plusieurs reprises avec l'ANUPS, on s'accorde sur l'essentiel et sur les constats que l'on peut porter sur la jeunesse, sur la situation de la jeunesse et ses aspirations. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé de la sélection organisée avec Parcoursup aux emplois au rabais, en passant par la précarité étudiante. Nombre de jeunes subissent un véritable parcours du combattant jusqu'à leur premier emploi. Le chemin menant à un emploi stable est jonché d'embûches. La crise sanitaire a mis en lumière la situation catastrophique dans laquelle se trouve la jeunesse, notamment les étudiants. La réalité des files d'attente devant les organismes d'aide alimentaire est toujours bien réelle et cette situation s'aggrave avec l'inflation. Nombre de jeunes sont dans l'obligation de se salarier pendant leurs études pour pouvoir les financer et subvenir à leurs besoins. Ils sont confrontés à la précarité d'un job étudiant qui ne leur permet pas de réussir leurs études. Et ça, c'est la première cause d'échec à l'université. Pourtant, la société a besoin des étudiants qui se forment dans des meilleures conditions possibles. Les propositions de l'ANUPS permettent d'avoir une jeunesse qui prenne le chemin de l'émancipation pour en finir avec la précarité et pour en finir avec la précarité de l'emploi étudiant. La mise en place d'une allocation d'autonomie à 1063 euros permettra de sortir énormément de jeunes de la précarité et du salariat étudiant que j'ai évoqué précédemment. Les députés communistes proposeront en plus d'améliorer cette mesure en élargissant son financement. La NUPES propose de financer l'allocation d'autonomie par l'impôt. Nous disons qu'une cotisation sociale supplémentaire devra s'ajouter, ce qui permettra d'élargir la mesure à plus de jeunes et de faire reposer son financement sur la contribution de l'ensemble de la société. Avec la NUPES, nous pouvons dès le 1er juillet conquérir de grandes conquêtes sociales pour la jeunesse et nous savons qu'elles en avons besoin. Nous pouvons changer le pays. Élisons un maximum de gauche à l'Assemblée nationale. Bonjour à m'entendez, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Julien Layan. Je suis ici pour représenter Génération et les jeunes générations. Donc, un des grands obstacles à l'émancipation de la jeunesse et à son autonomie, c'est la question du logement. Le logement est un droit et il est nécessaire pour avoir une vie digne. En effet, sans logement, il est impossible de s'émanciper et il est impossible de travailler ou d'étudier dans de bonnes conditions. En France, 12 millions de personnes connaissent des difficultés à se loger et 4 millions sont aujourd'hui mal logés. Depuis 2000, les prix de l'immobilier ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus des ménages, et ce qui représente une dépense qui est difficile à assumer aujourd'hui pour les Français et en particulier pour les jeunes actifs et les étudiants. Face à ce constat, le premier gouvernement d'Emmanuel Macron avait commencé son mandat en faisant quoi ? En s'attaquant, en augmentant les APL et donc en s'attaquant à la jeunesse et non à ses problèmes. La Fondation Abbé Pierre qualifie notamment la politique d'Emmanuel Macron en matière de logement de parents pauvres du quinquennat. Aujourd'hui, seules 355 000 places sont disponibles en résidence étudiante et seulement 175 000 le sont dans des résidences universitaires des Crous, ce qui ne permet de loger qu'un quart des boursiers de l'État. Pour se loger, les jeunes sont donc obligés de se tourner vers le parc privé qui est bien souvent trop cher, notamment dans les grandes métropoles. Pour les jeunes, le budget consacré à leur logement est 2 fois supérieur à la moyenne de la population. Et pour les étudiants, la part consacrée au logement représente 60% de leur budget. C'est beaucoup trop. Le logement est donc une première barrière à l'autonomie. Or, pouvoir vivre proche de son lieu de travail ou de vie de façon digne, ce n'est pas un luxe, mais c'est une condition indispensable à la réussite scolaire et sociale. Face à ces difficultés de se loger, 60% des étudiants et 25% des actifs de moins de 30 ans vivent toujours chez leurs parents. Le logement est une source d'angoisse pour la jeunesse. Selon un sondage Ipsos pour la Fondation Abbé Pierre, c'est la première préoccupation des jeunes. Parmi les jeunes ayant un accès au logement individuel, beaucoup vivent dans des passoires thermiques, c'est-à-dire qu'il va y faire trop chaud en été et trop froid en hiver, ce qui va engendrer un certain nombre de dépenses contraintes pour eux. On compte plus également le nombre de résidences étudiantes qui sont infestées par les punaises de lit ou les cafards. Enfin, de nombreux jeunes sont aujourd'hui sans domicile fixe. 20% des personnes qui appellent le 115 ont aujourd'hui moins de 25 ans et beaucoup de jeunes SDF sont d'anciens jeunes de l'ASE qui ont été abandonnés par l'État à l'âge de 18 ans. Donc la question du logement, elle doit être au cœur d'une politique visant à l'émancipation de cette jeunesse. Le marché est incapable aujourd'hui de répondre aux besoins de la population, d'offrir un logement abordable à toutes et tous. Il est donc urgent de mettre en place une politique volontariste en termes de logement. C'est notre projet avec la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, un projet qui permet à toutes et tous d'être logés dans des conditions dignes, peu importe son âge, ses revenus ou ses conditions sociales. Bonjour à toutes et à tous, Zoé Lorieux-Chevalier, je suis aussi présente pour représenter Génération S et les jeunes générations.S. Alors effectivement, Julien l'a dit, le logement c'est un vrai sujet de préoccupation. Pourtant, l'accès à un logement digne est un droit et aujourd'hui, l'accès à un logement décent c'est un vrai parcours du combattant. Alors que le logement permet de s'émanciper, il est source de privation et d'angoisse pour la plupart des jeunes. Avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous marquerons la fin de cette exclusion qu'ont connue les jeunes avec Emmanuel Macron. Avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous respecterons le droit au logement. C'est pourquoi nous revaloriserons les aides personnelles au logement au regard de l'inflation. Nous reviendrons sur les réformes du quinquennat Macron, notamment les coupes des APL, et nous renforcerons les moyens dédiés à l'accompagnement pour lutter contre le non-recours. Un logement digne, ce n'est pas un luxe. Par contre, pour pouvoir prendre son indépendance, c'est un droit. Pour ce faire, nous rendrons obligatoire le permis de louer dans toute la France afin d'obliger les propriétaires à louer des logements dignes de ce nom. Dans cet objectif, nous mettrons également en œuvre un plan d'éradication du logement insalubre en rénovant les résidences existantes et nous construirons 200 000 logements publics par an aux normes écologiques les plus ambitieuses. Car la précarité des jeunes n'est plus un secret, mais aujourd'hui, sous le feu des projecteurs, nous créerons une sécurité sociale du logement. Cette garantie universelle des loyers permettra l'accès au logement pour chaque jeune et protégera les propriétaires des impayés en supprimant le système de caution parentale, injuste et discriminatoire. Nous le savons, le logement est également un frein pour permettre aux jeunes d'accéder à certaines villes. Et dans l'objectif de permettre à un plus grand nombre une mobilité sereine, nous encadrerons les loyers partout sur le territoire français et à la baisse dans les grandes villes. Le gouvernement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale impulsera la construction de 15 000 logements étudiants par an, ainsi que la rénovation et la remise aux normes environnementales et de sécurité des logements existants. Le plan d'investissement de début de mandat dégagera 2 milliards d'euros pour rénover les universités et construire des logements étudiants. Car le logement digne est un droit, nous lancerons également un plan d'urgence de prévention et d'éradication des punaises de lit, des cafards et autres espèces qui rendent invivables les logements crous avec la création de services publics locaux dédiés. Enfin, avec le gouvernement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous ferons en sorte que les jeunes puissent accéder à des logements qui leur permettront de faire un premier pas vers l'émancipation. Car comme le disait l'abbé Pierre, le logement est un droit fondamental et s'avère être au centre de toutes les difficultés. Sans un logement digne et décent, tous les autres droits, à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, à la sécurité, restent inaccessibles. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, est vêtue de soleil et noyée de bleu tendre. Et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les a fait, elle et lui, comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent, des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante, un chant pur et fraternel dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage, elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous, où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière, où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage, dans la mer et dans le ciel, dans le ciel de ma patrie. Notre invité a longtemps été votre invité dans votre salon, chez vous, peut-être en famille, devant la télé. Pendant 26 ans, elle a égayé vos soirées, elle vous a donné le sourire ou vous a ému en incarnant un personnage solaire, haut en couleur, bruyant même, dans une famille formidable. Quel fidèle de la série n'a pas rêvé d'en faire partie de cette famille et d'avoir notre invité comme sœur, comme mère ou comme belle-mère. Un rôle qui lui allait comme un gant, mais un rôle qui a peut-être été un peu encombrant, car sa vie d'actrice a commencé bien avant, avec les plus grands, Jean-Luc Godard, Pierre Richard, Alain René, Sidney Pollack, Francis Weber et tellement d'autres. Des rôles, elle en a joué des dizaines, au cinéma, à la télévision et bien sûr au théâtre, du classique, du moderne, du confidentiel, du populaire. Mais qu'est-ce que notre invitée n'a pas joué? Quel texte, quel style, quel rôle manque à son répertoire? On va lui poser ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard, bienvenue Annie Dupéret, merci d'être avec nous ici au Dôme Tournant du Sénat. C'est vrai ça? Quel rôle auriez-vous aimé jouer et quel rôle ne vous a-t-on jamais proposé? Alors, je viens d'en tourner un, qui va être pour la 2 ou la 3, je crois, ils ne savent pas encore. Un unitaire, un film, voilà, qui va être un peu, qui commence un peu comme un Chabrol et qui termine comme un Hitchcock, où je fais une folle machiavélique. Et c'est ce qui manquait à votre répertoire? C'est ce que vous rêviez de jouer? Un petit peu, parce que j'ai joué des inquiétantes aussi, comme ça. J'aime bien sortir mon œil qui n'aime rien ni personne. Mais là, j'avais pas vraiment fait à ce point-là, vraiment. Ça veut dire que vous aurez tout fait? Tout ce que vous souhaitiez faire? Non, en tant qu'actrice? Moi, je souhaitais rien, c'est ça qui est bien. N'attendiez pas spécialement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Pas trop, pas de projection de soi dans l'avenir, c'est tout à fait épatant. Pas trop de rêves non plus. Enfin, je rêve, bien sûr, mais de vision idéale de soi, comme ça. Comme je suis devenue comédienne, je dis pas par hasard, mais sans l'avoir vraiment rêvé. C'est très pratique. Parce qu'on n'est pas jaloux. Les choses vous viennent, on aime les faire, mais comme on n'a pas de grandes choses dont on rêve, on n'est pas déçu. C'est très pratique. Vous n'avez jamais eu envie d'écrire un rôle pour vous-même? Non. Non, pas vraiment. Si, j'en ai écrit un. J'ai écrit un seul scénario. J'ai écrit le premier scénario de Bernard Giraudot, qui se lamentait en disant « J'ai 40 ans, je vais jamais faire un film, etc. » Et José Giovanni, effectivement, m'avait donné le livre de sa sœur, qui s'appelait « La face de l'ogre ». Et nous avons fait ensemble, avec Bernard, son premier film, et c'était mon unique scénario. Votre scénario. Je parlais du rôle peut-être un peu encombrant de Catherine Beaumont dans Une famille formidable. Est-ce qu'il l'a été? Est-ce qu'il a un peu éclipsé tout le reste? Est-ce qu'il a été encombrant? Non, il n'a pas été encombrant. D'abord parce que c'est très curieux. Les gens ne m'ont jamais appelée Catherine. C'est vrai. Les gens qui étaient fans de la série, je dois dire que ma petite fille étant tombée dedans, on regarde jamais ce qu'on a fait. Je veux dire, ouais. On le fait et puis voilà, on ne se repasse pas les DVD et tout ça. Seulement, comme ma petite fille est tombée dedans, effectivement, j'y ai eu droit cet été il y a un épisode qu'elle a revu 6 fois. C'est vous dire, voilà, dès qu'elle vient chez moi, boum, elle se précipite sur les trucs. Et c'est vrai que je vous avoue que revoyant, j'ai pas tout, mais certains épisodes, certaines scènes comme ça, je me disais, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce qui était bien? C'était bien la série, c'était bien ce qu'on a fait. Donc c'est pas spécialement encombrant puisque ça a une place tellement à part dans ma vie, dans la vie des gens et même dans l'objet télévisuel était tout à fait miraculeux quelque part. J'ai toujours dit c'était un cadeau de la vie et du métier. Voilà. Il y a eu une alchimie particulière avec cette série. Il y a eu même une sorte de miracle. Je n'exclus pas une intervention miraculeuse. De qui? De peut-être, je ne sais pas. Parce que la manière dont c'est arrivé, je vais encore le raconter parce que c'est tellement beau. J'étais en train de finir d'écrire le voile noir à propos de la mort de mes parents et j'étais sur la fin, vraiment en train d'accoucher des dernières pages, d'avoir fait remonter vraiment toute cette douleur de ce traumatisme. Je pleurais tout le temps. Et j'avais demandé à mon agent de me trouver une comédie pour me remonter le moral. Et au mois d'août, elle m'appelle, elle me dit « Ah, écoute, tu voulais une comédie, il y en a 3. » 3 fois 1h30, ah ben j'ai vu l'état où je suis, il faudra bien ça. Et elle me dit « Ça commence tout de suite. » Et là, j'ai dit « Ah non, non, non, non, non. » Parce que j'ai promis de rendre mon texte le 15 septembre au plus tard. Je suis dans les pages les plus dures, je peux pas lâcher. Et elle me dit « T'as de la chance, ça commence le 16. » Ça ne s'arrête pas là. Puisque je rencontre Joël Santoni qui m'explique qu'il n'a jamais rien fait de drôle de sa vie, qu'il a fait plutôt des films lourds, dramatiques, je rigole, je lui dis ce que je suis en train de faire, et vraiment, mais en 4-5 phrases, on découvre qu'on est orphelin de père et de mère tous les deux au même âge. Alors là, c'est vrai que moi qui ne crois pas en Dieu mais qui crois au mystère, j'ai fait, bon, on regarde le ciel, on ne sait pas où ils sont, trop bien organisé. C'est vrai que c'est parti sous ces auspices-là. Et ça a vraiment très bien marché. Oui. Est-ce que c'est un peu la famille dont vous aviez rêvé? Est-ce que c'est... Je pense que c'est ça. J'ai pensé hardiment au bout de quelques années que l'amour, vraiment il n'y a pas d'autre mot, l'amour que les gens avaient pour cette série tenait peut-être au fait qu'ils ont senti que pour au moins 2 des créateurs, Joël Santoni et moi, il y avait... c'était pas des télés comme les autres, quoi. Il y avait une nécessité de se créer une famille tribale, comme on aurait aimé en avoir. Et on avait un avantage, en fait, Joël et moi, c'est que, en tant qu'orphelins ou gens ayant subi des choses dures, on avait une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut passer du tragique au nez de clown très vite. Parce qu'on a toujours fait ça. Vous l'avez fait dans votre vie. Ouais. Et oui. Et donner le change comme ça. Et en fait, c'est un mélange des genres qu'on a concocté ensemble, qui est pas courant. Soit on reste dans la comédie, soit on est dans le sensible, mais mélanger les deux comme dans la vie comme ça, c'était. Donc vous avez transformé ce malheur en force. C'était une belle aventure. C'était pas forcément écrit ce destin d'actrice, vous l'avez déjà un peu dit. Il n'y avait pas de comédien dans votre entourage en Normandie. Comment ça arrive dans votre vie? À quel moment vous vous dites « je tente très bien cette vie d'actrice » J'ai eu l'énorme chance d'être élevée, après la mort de mes parents, par une tante magnifique qui était la sœur de mon père, qui avait été une fille sacrifiée. C'est-à-dire qu'elle rêvait de devenir professeure, de faire des grandes études, elle était extrêmement douée. Et comme ma grand-mère, veuve deux fois, élevait trois enfants toute seule, ma tante a été sortie de l'école à 11 ans pour servir au bistrot que tenait ma grand-mère, pour permettre aux deux garçons de faire des études. Et je crois que quand ma tante m'a pris en charge, j'ai été sa revanche, quoi. C'est-à-dire, elle a dit « celle-là fera tout ce pour quoi elle est douée ». Donc à 11 ans, elle a vu que j'étais très douée pour le dessin, j'avais la peinture, j'avais tout ce que je voulais. Elle m'a inscrite au cours du soir des Beaux-Arts, à 11 ans déjà, à Rouen. Et puis je lisais, j'écrivais, j'avais tous les livres que je voulais. Enfin voilà, ça a été une femme qui a été merveilleuse. Mais vous allez quitter l'école tôt, vous aussi, avant 16 ans? Oui, j'ai eu un gros malheur scolaire. Oh bah oui, à 14 ans et demi. Ouais. Mais à mon époque, on pouvait, quand on était victime comme ça d'une sorte de malheur scolaire inintégrable, quoi. C'est un petit peu normal, je pense, parce que quand on a trouvé ses parents morts à 8 ans et demi, l'enfance, elle est foutue. Donc on est très difficilement mélangeable avec des gamins. En plus, le sort m'a donné 15 centimètres de plus que les autres. Ce qui faisait une différence de plus. Très vite, c'est, ouais. En plus, voilà. Ouais. Donc, c'était vraiment très difficile, très difficile. Donc, je suis partie à 14 ans et demi sur le point, je l'avoue, j'en suis aucunement fière, de redoubler pour la troisième fois ma quatrième, fallait me sortir de c'était là. C'était pas quoi. Fait pour vous, l'école. Et je suis rentrée aux Beaux-Arts parce qu'à l'époque, on pouvait, avec un niveau BEPC, ou à peu près, rentrer dans les grandes écoles. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre des chemins de traverse. Et c'est vrai que je déplore, Dieu sait que la culture générale est formidable, et c'est formidable que ça ait augmenté et que beaucoup de gens en bénéficient, mais pour des cas dans mon genre, spécialisables très tôt, je veux dire, c'est dommage de plus pouvoir prendre des chemins de traverse comme ça. Et accéder à des écoles qui sont niveau université. Et puis voilà, donc j'étais aux Beaux-Arts, je voulais être peintre. Et après actrice. Et alors, voilà, il y a un orientateur professionnel. Figurez-vous que dans un salon du livre, là, en Normandie, ça ne fait que 3 jours que je connais le nom de l'orientateur professionnel qui a peut-être décidé de ma carrière. C'est-à-dire René Galli... René Galliveau, je crois. René Galliveau, on me l'a dit. A dit, parce que ma tante, quand elle m'a fait entrer aux Beaux-Arts, a dit, je suis un peu inquiète quand même de le faire. Orientation professionnelle, qu'est-ce que vous en pensez? Et le type a dit, écoutez, elle vient de rentrer deuxième sur concours aux Beaux-Arts, on va pas se plaindre, tout ça. Mais elle lit et elle écrit tout le temps. Et je me rappelle de cette phrase extraordinaire. Elle va perdre le contact avec les mots en s'occupant des formes et des couleurs. Ah. Alors, pour qu'elle continue à étudier des textes, c'était ça le truc. Pourquoi vous ne l'inscrivez pas à conservatoire d'art dramatique 2 fois par semaine? On n'y aurait jamais pensé. Et en revanche, quand vous commencez ça, pour vous, c'est le déclic? Pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout de l'entrée. Non, ce qui a été le déclic, en écrivant un des derniers livres que j'ai fait sur mon parcours artistique, comme ça, j'ai pris conscience de ce qu'avait été le déclic. Solitaire à l'école, ouais. Travail solitaire aux Beaux-Arts, chacun devant sa toile, chacun devant son truc. Et là, au conservatoire, j'ai découvert l'émerveillement des copains, des partenaires. Ah, le groupe. De travailler les scènes ensemble, de dire tiens, on va couper ça, tiens, si tu t'asseyais. Et ça, je crois que c'est ça qui m'a embarqué. Vous avez trouvé votre place. C'était votre place. Oui, c'est pour ça que je suis une comédienne de troupe. Très bien. Ouais. J'adore ça, le rapport avec les autres, travailler ensemble. Et je crois que ça a été une telle découverte pour moi que c'est ça qui m'a embarqué. Alors, c'est une chose de s'y plaire dans cet univers, mais c'est une autre chose, une autre paire de manches que de plaire. Qu'est-ce qui fait que vous allez être si vite remarqué par les plus grands? Qu'est-ce qui va plaire chez vous? C'est votre côté solaire, justement, très collectif? Peut-être parce que j'avais pas peur. Comme c'était pas un grand désir, j'étais assez à l'aise finalement. J'aimais le faire, mais j'avais pas peur, quoi, du tout. J'étais un peu pas normale quand même. Et donc insaisissable, c'est peut-être ce qui. J'étais dans ce déni du deuil que j'avais, où c'était, j'étais un peu à 20 centimètres au-dessus du sol. Ça devait être un peu. Un peu curieux à voir. Et une femme très belle aussi, qui a attiré l'œil, évidemment, de ses réalisateurs. C'est une époque où on a pu considérer que les actrices étaient aussi quelque chose qu'on affichait, une jolie chose. Est-ce que vous vous êtes sentie parfois chosifiée, un peu instrumentalisée, comme une belle... Voilà. Je me souviens très bien d'un choc que j'ai eu. Ouais. Je sais où c'était, d'ailleurs. C'était au studio de Boulogne, à l'époque. C'était studio cinéma, maintenant c'est studio télé. Et je tournais un film, j'avais fait effectivement, le cinéma m'avait un peu rapté au théâtre. Oui. J'avais fait une première pièce qui n'avait pas duré longtemps, puis joué avec, pendant un an au moins avec Elvire Babesco. Et puis le cinéma m'avait rapté, comme ça. Et puis, je vais avoir 23 ans. Voilà, entre 18 et 23 ans, il y a eu comme ça beaucoup de films. Et puis je me souviens très bien qu'un jour j'étais près d'un décor, c'était un décor, à train d'attendre que ce soit prêt. Et il y avait là, à quelques mètres de moi, le producteur et le metteur en scène. Et je les ai entendus dire, on a quand même eu de la chance, parce qu'elle aurait pu être incapable d'aligner trois mots, et heureusement elle est bien, etc. Et comme ils regardaient dans ma direction, je me suis tournée pour voir de qui ils parlaient. Il n'y avait personne derrière moi. Donc c'était vous. Et là, j'ai compris l'expression « mon sang ne fait qu'un tour ». Parce que j'ai écouté ça, j'ai dit « mais enfin, mais moi je sors du conservatoire, j'ai étudié les classiques, j'ai eu deux premiers prix, mais de quoi il parle là ?» Et là, je me suis dit « mais si je ne reviens pas au théâtre, je suis perdue. » Voilà. Si je ne reviens pas au théâtre, je suis perdue. Et j'ai... Peu de temps après, j'ai repris la danse, j'ai repris le chant, enfin, je suis revenue. Il y a eu ce film ça. De Delphine Seyrig sur ces 23 comédiennes du cinéma qui raconte le sexisme, les humiliations, demandes de changement physique, quoi. Tout ça, vous l'avez vu de loin ou votre caractère a fait qu'on n'a même pas osé vous le dire en face? Non, j'ai pas vraiment fait attention. Comme par exemple, j'ai pas été, sauf une fois avec un très vieux réalisateur, mais c'était une seule fois, j'ai pas été très victime de harcèlement, de choses comme ça. Je crois que je faisais un peu peur. et puis le cinéma des années 70 de Claude Sautet à Yves Robert, ça représente aussi une époque dont certains sont un peu nostalgiques, une époque où on pouvait fumer sur les plateaux, on roulait vite, pas de ceinture de sécurité. Vous ressentez cette nostalgie de cette époque où on croyait, on sentait être plus... Je sais pas si vous avez remarqué, quand il est arrivé cette chose très désagréable, le confinement qui va nous faire avaler quand même une grosse pilule. Qu'est-ce qu'on fait quand on vous fait avaler une grosse pilule, on passe à la télé le soir un éléphant sa trompe et les tontons flingueurs. C'est vrai. Nous sommes les doudous du cinéma français. Quand il y a un truc très désagréable à annoncer, paf, on colle un éléphant sa trompe ou les tontons flingueurs. Mais vous l'avez cette nostalgie ou pas de cette époque? J'ai pas vraiment de nostalgie, pas du tout, mais c'était vraiment formidable. Oui. Je reparlais des rôles que vous aviez joués, ils sont innombrables, et des nominations aussi, vous allez en avoir pas mal. 1977, vous êtes nommé pour le César du meilleur second rôle dans Un éléphant, ça trompe énormément. C'est finalement Marie-France Pizier qui va l'emporter cette année-là. Vous serez ensuite nommé 5 fois au Molière de la comédienne. Voilà. 1988 pour Le Secret, 90 pour Le pain de ménage et Le plaisir de rompre, 96 pour Un mari idéal, 2006 pour Oscar et la Dame Rose, 2010 pour Colombe. Des nominations, mais jamais le prix. Alors, est-ce que vous êtes une bonne journaliste, parce que d'habitude, les gens, ils me les donnent, les Molières, carrément, les journalistes. Alors, vous avez eu 5 Molières. Nommé, j'ai fait la différence. Mais du coup, est-ce que ça a été une frustration pour vous? Comment vous l'interprétez? Absolument pas. Non. Absolument pas. C'est vrai que les prix, bon, c'est à partir du moment où je travaille, je fais bien mon métier, je suis appréciée, ça pas. Je me souviens notamment d'une dénomination où sans avoir, je me suis rassurée d'ailleurs, sans avoir le moindre pincement au cœur, j'ai applaudi à tout rompre. C'est vrai? Parce que c'était mon amie Suzanne Flon qui l'avait et on était très amies. Bonne joueuse, bonne camarade. Et j'ai dit ouais. On m'a dit, dis donc, t'es pas. Alors vous avez eu des récompenses de la télévision parce que vous avez eu 2 sets d'or quand même. Donc la télé, oui, c'est vrai. Moins ingrate. C'est vrai, que j'ai jeté. Ah bon? Vous avez jeté 2 sets d'or? Oui, parce que j'avais mes enfants petits à l'époque et ce truc était un danger public. Ça tenait pas debout. C'était, le set était pointu, il y avait une antenne pointue. Oui, c'est vrai. Et comme c'était bien doré, les enfants voulaient l'attraper. 1988 et 1993. Annie Dupéré, j'ai une archive pour vous qui nous a été transmise par les Archives nationales. Je vais vous la donner. Vous allez identifier très vite Sarah Bernard. Ce sont des clichés de Sarah Bernard issus du fonds Napoléon et d'une collection de photographies rassemblées par l'abbé Missé. Sarah Bernard, actrice, peintre, sculptrice française du 19e, début 20e siècle. Victor Hugo l'appelait la voix d'or. Jean Cocteau a inventé pour elle l'expression monstre sacré et vous l'avez incarnée, cette femme au théâtre. Dans Sarah, une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt adaptée de Mémoire de John Murel. À l'époque, les critiques, je les ai relues, je suis retombée dessus. Elles étaient dithyrambiques. Et je vous lis l'une d'entre elles. Annie Dupéré est d'un naturel désarmant. Elle s'est réellement intégrée en Sarah Bernard du travail d'orfèvre. Et je lisais que pour ce rôle, vous aviez perdu 6 kilos en quelques mois, c'est vrai? Pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, c'est Fanny Ardant qui avait créé le rôle. Je vais pas trahir Fanny en disant qu'elle n'était pas à l'aise dedans. Elle n'était pas à l'aise. Elle a souhaité le quitter. Donc moi j'ai repris le rôle après. Et vous vous êtes sentie à l'aise dedans? Oui, mais ce qu'il y a eu, c'est que j'ai repris le rôle en 10 jours. Et en essayant de ne rien bouger pour ne pas troubler Robert Hirsch. Dont vous étiez totalement fan. C'est aussi j'étais pour ça que j'étais vous très fan et on s'est magnifiquement entendu avec Robert. On était de la même école quelque part. Comme je suis quelqu'un qui peut être très régulier, il m'a testé un peu de temps en temps en me disant tu pourrais peut-être si on faisait ça dans quelques jours, ben je vais te le faire tout de suite, Robert. Comme ça, c'est aussi simple. Sarah Bernard, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous? Est-ce que ça a été une sorte de modèle ou? Non, ça n'a pas été une sorte de modèle, mais c'est un personnage absolument incroyable pour l'époque quand même. Elle a quand même été jouée jusque chez les Indiens, en Amérique. Je veux dire, fallait le faire. Et effectivement, c'était, on le sait peu, mais c'était une femme comme ça, pluridisciplinaire, absolument comme vous, personnalité comme vous. Incroyable. Oui. Pluridisciplinaire, c'est exactement vous. On va y venir justement à vos autres talents, parce qu'on a beaucoup parlé de l'actrice Annie Dupéré, mais moins de l'écrivaine, de la romancière. Pourtant, votre carrière littéraire est impressionnante. Là aussi, je cite quelques-uns de vos ouvrages. Votre tout premier roman, c'est L'Admiroir, en 76, couronné par l'Académie française. Ensuite, votre autobiographie, Le Voile Noir, en 92. Roman qui m'a amené à l'autobiographie après. Allons voir plus loin, Veux-tu, Le rêve de ma mère, Le tour des arènes, aujourd'hui, toujours aux éditions du Seuil. Que vous apporte l'écriture de romans que ne vous apporte pas le théâtre, le cinéma, le fait de jouer, d'être actrice? Je crois qu'en fait, je crois que j'étais écrivain avant tout. C'est vrai. Que, par exemple, quand j'ai écrit ce livre à propos du non-deuil et de la mort de mes parents, Le Voile Noir, j'ai retrouvé dans un carnet d'enfance, à 13 ans, j'avais écrit, où je parlais une seule fois de la mort des parents, un jour il faudra que j'écrive mon livre en majuscule. Donc il était déjà dès 13 ans, clair que ce serait pas une psychothérapie, c'était pas la mode à l'époque, surtout dans mon milieu, que je me confierais pas à quelqu'un, que ce serait un livre, que ça devrait passer par un livre. Et donc l'écriture, je crois, était à la base de tout. L'écriture a toujours été là. C'est ce qui vous a aidé à commencer à guérir, à cicatriser. Voilà. Et je crois que j'ai écrit mon premier roman. Effectivement, j'ai dû le commencer. J'avais 24 ans. Il est paru 2 ans après, quelque chose comme ça, parce que ma tante a eu le téléphone. C'est-à-dire que je lui écrivais, je sais qu'elle adorait comment j'écrivais, donc je lui envoyais 10 pages par semaine de ma vie parisienne, et puis un jour elle a eu le téléphone. J'ai perdu mon lecteur. Annie Dupéré, c'est aussi la photographe. Je disais que vous aviez plein de monde, plein d'univers, mais c'est incroyable. Vous êtes photographe depuis toute jeune aussi. Et ça vous vient de vos parents, Lucien et Ginette Legras, qui étaient photographes tous les deux. Alors ils étaient photographes, mais... je voulais pas regarder les photos de mon père. J'avais les négatifs. bien planqués là pour ne pas les voir, puisqu'ils étaient morts, je leur en voulais beaucoup quand même. Et ils sont morts de façon accidentelle. Je me suis même pas rendu compte qu'en fait, je suis partie dans la photo pour faire comme mon père, et j'avais pas vu ces photos. Et c'est vrai que pendant 18-20 ans, j'ai fait passionnément de la photo, labo compris, développement, même mes pellicules. Ce qui, pour les gens qui ont fait de la photo, se rappelleront de la cuve Patterson dans le noir total où on piquait des crises de nerfs parce que tout à coup on entendait scrotch. Au milieu de la pellicule, on avait loupé un cran, il fallait tout défaire. Ouais. C'était extraordinaire. Et en 2010, vous allez vous confronter aux photos de votre père. Vous allez organiser une exposition, où il y aura les vôtres et les siennes. Oui. Et c'est vrai que j'ai eu une chose encore, voilà, une chose, un petit signe comme ça. J'ai eu beaucoup de signes dans ma vie comme ça. Mon agrandisseur, un jour, s'est mis à perdre le point. Donc il fallait que je le refasse entre chaque photo. Or à l'époque, je faisais beaucoup de photos de mes copains comédiens que je donnais. Donc je leur faisais des 20 tirages à suivre. Et cet agrandisseur qui perdait le point entre chaque tirage m'énervait. Et c'est là que j'ai pensé, tiens, si je m'achetais un bel agrandisseur, pour peut-être développer les photos de mon père que j'ai jamais vues. Mais de quel format sont les négatifs? Voilà, j'ai tiré les cartons et puis ça a été la fin de mon travail de photographe. Du moins en ce qui concerne le noir et blanc qui est devenu sacré. J'ai des photos justement pour vous, Annie Dupéré, que je vais vous montrer. Normalement, elles sont censées vous rappeler des choses, vous parler. Là, c'est Châtelux Malvalex, oui, dans la Creuse. La Creuse que vous avez découverte il y a 40 ans avec Bernard Giraudot. C'est lui qui avait acheté une ferme, qu'il était en train de retaper. Et puis au moment de votre divorce, vous décidez de la racheter, cette demeure. Divorce, disons, de séparation. De séparation. Amiable. Oui, je n'ai jamais été mariée de ma vie. Oui. Et un peu votre coin de paradis, cette Creuse. Oui, j'aime beaucoup la Creuse. L'histoire de la Creuse est tout à fait formidable quand même. C'est ils ont construit Paris, hein, les Creusois, les maçons creusois. Ils ont construit l'Opéra, ils ont construit le Louvre, ils ont construit énormément Versailles. Mais tout ce qui était qui avait du talent là-bas était tailleur de pierre ou maçon, monté à Paris, les maçons de la Creuse. Première revendication ouvrière. Premier député maçon, Martin Nadeau. Et donc, ces gens qui étaient censés être vraiment les plus arriérés de la terre étaient 10 fois plus au courant que toutes les provinces de ce qui se passait à Paris. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé? 1905-1910, le chemin de fer est arrivé. La Creuse s'est vue dépeuplée des 2/3 de sa population. Parce que les gars qui montaient à Paris, effectivement, faire tous ces beaux monuments qu'on a là, eh ben, ils ont emmené la famille, les enfants, et voilà, c'est tout. Et donc, la Creuse a eu une désertification. Je trouve que c'est une histoire extraordinaire, parce que du coup, c'est un pays où on peut se sentir assez facilement chez soi, si on aime la terre, si on aime ça, parce que tous les gens sont toujours partis et revenus. Donc, il n'y a pas de folklore bruyant. Il n'y a pas, excusez-moi les Creusois, même pas vraiment de vraie spécialité. Et c'est vrai que c'est un pays comme ça. Et à un moment où on est dans une époque où peut-être la ruralité est un peu oubliée ou mise de côté, j'imagine que pour vous c'est important de parler de ce... Oui, c'est bien. Puis la Creuse a un grand avantage, comme tous ces pays qui sont sur les contreforts du Massif central, c'est du granit, c'est pas cultivable. Donc il n'y a jamais eu le remembrement. Donc c'est les paysages de nos... C'est peut-être pour ça que je me suis sentie bien pour écrire aussi, pour écrire sur le passé. C'est que rien n'a bougé, c'est le paysage des arrière-grands-parents. Voilà. Et puis vous retirez de la frénésie parisienne aussi peut-être, dans laquelle... Oui, vous étiez... enfin, j'ai eu longtemps... Maintenant ça s'est assoupli quand j'écris, mais il y a eu une époque où j'avais l'impression qu'il y avait un lieu pour l'intériorisation et un lieu pour l'extériorisation. Vous pouvez pas faire les deux en même temps. Toujours ce côté double, hein, que vous avez. Dans cette Creuse, vous avez donc une maison et un jardin, un immense jardin que vous cultivez. Est-ce que vous reconnaissez cette plante? Enfin, je crois que c'est la rose du Perret. Exactement. C'est la rose du Perret qui réussit pas du tout chez moi. C'est vrai? Donc vous n'en avez pas dans votre jardin? Ben, j'ai essayé d'en avoir. Elle est 10 fois plus belle chez les autres. Ingrate. Ouais, c'est le rosier Annie Dupéret. Vous avez un rosier à votre nom. Oui, oui, oui. Une rose jaune très résistante, très parfumée. C'est ce qui vous... Normalement, normalement. Mais chez moi, elle fait... Voilà, elle fait un peu la tête chez moi. Mais le jardinage est aussi une de vos passions. Ah oui, oui. Ouais, ouais. C'est vraiment votre côté très j'ai fait terrien ça vraiment aussi. Passionnément pendant 30 ans. J'ai fait un jardin que l'ami Stéphane Marie, pour Silence à Pousse, a filmé très bien, d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça, les arbres et tout. Je me suis arrêtée de compter à 175 espèces d'arbres différentes. C'est pas mal. Allez, une dernière image à vous montrer. C'est l'association SOS Village d'Enfants, dont vous êtes la marraine depuis près de 30 ans. Une association créée au départ pour les orphelins de guerre et qui s'occupe aujourd'hui d'enfants maltraités, placés, retirés à leurs parents. Et la spécificité de cette association, et c'est ce qui vous tient à cœur, c'est qu'elle ne sépare pas les frères et sœurs. Parce que ça aussi, ça fait partie de votre histoire. Ah, bien sûr, bien sûr. J'ai été, et je n'en veux pas du tout à ma famille, parce que quand même, ma mère et mon père avaient 31, 32 ans, perdre deux enfants comme ça, si beaux, si jeunes, c'était terrible. Donc, chaque famille a pris un enfant. Voilà. Et ma sœur étant beaucoup plus jeune que moi, elle avait 5 mois. Bon, bah, elle avait 5 mois, oui. Et moi, j'avais 8 ans et demi. Donc, c'était. Voilà. Et c'était une catastrophe. Et ça a été une catastrophe. Je pense très sincèrement que de cette histoire, ma sœur, elle, en est morte, vraiment. Il y a 13-14 ans. Je veux dire, elle a vécu le cœur serré toute sa vie. Et ça a fini par l'emporter. Et c'est vrai que c'était le fait d'être séparée était une catastrophe. Mmh. Et donc, quand on m'a proposé effectivement de marrainer une association qui ne sépare pas les frères et sœurs, j'ai trouvé ça, évidemment, j'ai été tout de suite enthousiaste pour être marraine. Alors j'annonce, j'en profite, qu'il y a une co-marraine maintenant, depuis peu. Qui est ? Isabelle Carré. Parfait. Isabelle Carré va être co-marraine des SOS Village d'Enfance. J'en suis ravie parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, je disais, mais c'est un peu, moi je raconte toujours la même chose, mais je ne pouvais pas raconter autre chose, c'est mon histoire. Et ouais, mais surtout ne raconter rien d'autre, c'est votre histoire, elle nous Donc, intéresse. Isabelle va être co-marraine avec moi. Et on essaiera de l'inviter dans un monde un regard. Une dernière question, Annie Dupéret, nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Ici, vous avez la sagesse, ici, vous avez la prudence, ici, vous avez la justice, et ici, vous avez l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle, vous caractérise peut-être. Oh, la sagesse, peut-être. La sagesse. Oui. Oui, madame. Vous êtes très sage. Je crois que finalement, je suis assez sage, oui. Bah, super, on s'arrêtera sur cette vertu-là. Alors, merci infiniment, Annie Dupéret, d'avoir été avec nous dans Un Monde, Un Regard. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve très très vite sur Public Sénat. À bientôt. Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une, au travers de l'histoire, qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton, du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon, dans le salon chinois, où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions, que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craquants sans brémeuse, des forts en tédéum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Clément Viktorovitch, pour s'interroger sur une rhétorique bien particulière, Clément, celle qui consiste à revendiquer fièrement de proposer des mesures impopulaires. Vous nous expliquez que ce serait en fait une excellente manière de rechercher la popularité. Et oui, c'est tout le paradoxe en effet, et figurez-vous qu'il m'a frappé en écoutant Jean-François Copé. Souvenons-nous, il y a quelques semaines, le maire de Meaux et ancien président de l'UMP plaidait, en vain, pour un accord de gouvernement entre les Républicains et Emmanuel Macron, mais qu'à cela ne tienne, ce matin sur France Info, il était redevenu très critique à l'égard du président de la République. On est encore en train de mentir aux gens, hein, parce qu'on est en train de leur dire on va vous faire des chèques. Alors il y a le chèque carburant, puis après il y a le chèque habillement, puis le chèque ameublement. Je rappelle que tout cela ne tombe pas du ciel. On ne peut pas, alors je sais, je vais certainement être très critiqué pour ce que je dis, mais on ne peut pas faire simplement des chèques. Je comprends qu'on peut être un peu plus impopulaire en disant ce que je vous dis là. Je sais que ce que je vous dis là, c'est l'inverse de tout ce qui se dit. Il faut surtout pas dire ça, on est dans le tabou absolu. Mais quel panache! Malgré les critiques, malgré l'impopularité, malgré même les tabous absolus, Jean-François Copé assume donc de ne pas vouloir sortir le chéquier. Et cette rhétorique du chéquier vous laisse un peu sceptique. Oui, bien sûr. Bon, d'une part parce que Jean-François Copé ne brise en fait absolument aucun tabou, hein. Refuser les aides ponctuelles pour plutôt baisser les impôts de production en espérant que cela suscite des hausses de salaire, c'était juste le programme de Valérie Pécresse. On a vu plus iconoclaste tout de même. Et puis surtout, parce que cette rhétorique de l'impopularité assumée courageusement, c'est en fait un lieu commun de la politique. Tenez, prenons un exemple. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, lui aussi venu des Républicains, voilà comment en juin 2018, à l'Assemblée nationale, il défendait la baisse des limitations de vitesse à 80 km/h. Toutes les mesures prises en matière de la sécurité routière ont été impopulaires. Je me souviens trop bien, monsieur le député, peut-être vous en souvenez-vous aussi, des réactions lorsque, sous le Premier ministre Raffarin, le développement des radars a été mis en place. Redoutablement impopulaire, vous le savez. Et pourtant, ça a produit des résultats. Eh bien, nous devons nous inscrire dans cette voie. Accepter l'idée, c'est difficile, de ne pas être complètement populaire quand nous pensons que cela produit des effets. Il faut accepter, assumer et revendiquer même l'idée de ne pas être populaire. Nous sommes bien dans la même rhétorique et ce n'est pas fini. Écoutez ce que disait le chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron, en avril 2019, au sortir de la crise des Gilets jaunes. Quand on cherche le pouvoir, quand on l'obtient par la confiance du peuple, on accepte d'avoir la part de colère qui va avec. Diriger aujourd'hui en démocratie, quel que soit le pays, c'est accepter de ne pas être populaire. Et je préfère être responsable, tenir mes engagements, prendre les décisions que je crois bonnes avec le gouvernement pour notre pays, et être impopulaire plutôt que chercher à séduire de manière qui serait toujours éphémère. Donc j'assume. Emmanuel Macron aussi assume de prendre des décisions impopulaires parce qu'il croit qu'elles sont dans l'intérêt du pays. Vous le voyez, le panache de Jean-François Copé se résume au fond à recycler un vieux cliché. Alors dans le fond, quel objectif de cette rhétorique ? Alors c'est simple, sur la forme déjà, c'est une rhétorique de posture. Du point de vue des responsables politiques, elle leur permet de renvoyer une certaine image d'eux-mêmes. En l'occurrence, une image de courage, de bravoure et de sincérité. Le courage de ne pas être populaire, la bravoure d'affronter l'opinion et la sincérité de suivre leur conduite. conviction, d'où ce paradoxe que l'on soulignait tout à l'heure. Revendiquer l'impopularité, c'est en fait un excellent moyen de se rendre populaire. Mais je crois par ailleurs que cette rhétorique a des conséquences plus profondes. Elle permet de conférer à une mesure l'apparence de l'irrémédiable. Après tout, si un responsable politique plaide pour une décision qui n'est pas dans l'intérêt de sa réélection, c'est forcément qu'elle doit aller dans le sens de l'intérêt général, non ? Alors peut-être que oui, mais pas nécessairement. Rappelons encore une fois que la politique est affaire de choix et de rapports de force. Toute mesure fera toujours des gagnants et des perdants. Et justement, si une mesure vous rend impopulaire auprès d'une grande majorité des Français, c'est peut-être, parce qu'elle se fait au bénéfice d'une toute petite minorité d'entre eux. La rhétorique de l'impopularité, pas sûr que ça marche pour les délégués de classe dans la cour de récré. Clément Viktorovitch, c'était entre les lignes. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades. Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Vous parliez de la solution du dialogue social comme une solution efficiente. J'imagine que vous faites allusion au choix qui a été fait, le chemin qui a été pris par le gouvernement français. Il y a eu des élections la semaine dernière pour les travailleurs des plateformes. Taux de participation pour les livreurs aux élections, donc pour élire leurs représentants, 1,87%. Ridicule, un fiasco total. Donc le chemin qui est pris, je pense que nous, on a un GPS qui n'est pas soumis à l'algorithme d'Uber peut-être, en tout cas ici, nous avons choisi le bon chemin qui est celui de la présomption de salariat. Monsieur Lorincari, vous disiez à juste titre tout à l'heure qu'il y a des travailleurs qui ne souhaitent pas être commandés, qui ne souhaitent pas être contrôlés. Et effectivement, je vous rejoins, je pense qu'il y a un certain nombre de travailleurs, que ce soit les livreurs de repas à domicile ou les conducteurs de VTC, quand ils ont entendu votre narratif, et quand ils ont fait le pas de travailler pour une plateforme, ils voulaient pas être salariés, ils voulaient être indépendants. Mais dans les faits, ils ne le sont pas. Et la relation de travail, elle dépend pas de ce que voudraient être les différentes parties, elle dépend pas du choix que ferait le travailleur, elle dépend de la réalité objective des faits, de la réalité objective de la relation qui unit le travailleur avec la plateforme. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe, pour reprendre les chiffres de la Commission européenne dans son impact assessment, c'est au moins 4 millions de personnes qui travaillent pour une plateforme dans le cadre d'une situation de salariat déguisé où il y a une utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant. Et c'est bien ça qu'on veut régler avec cette proposition de directive. Et c'est pour ça que le chemin que nous avons choisi, c'est la présomption de salariat. Entre parenthèses, vous parliez de la solution du dialogue social comme une solution efficiente. J'imagine que vous faites allusion au choix qui a été fait, le chemin qui a été pris par le gouvernement français. Il y a eu des élections la semaine dernière pour les travailleurs des plateformes. Taux de participation pour les livreurs aux élections, donc pour élire leurs représentants, 1,87%. Ridicule, un fiasco total. Donc le chemin qui est pris, je pense que nous, on a un GPS qui n'est pas soumis à l'algorithme d'Uber peut-être, en tout cas ici, nous avons choisi le bon chemin qui est celui de la présomption de salariat. Maintenant, rapidement donc, comment elle est déclenchée cette présomption de salariat? Je crois qu'on ne peut pas faire confiance aux plateformes elles-mêmes pour dire je coche tant de critères, donc je suis soumis, je dépends, j'ai un lien de subordination qui m'unit à mes travailleurs, qui unit mes travailleurs à moi, donc je suis soumis à la présomption de salariat. On ne peut pas se fier à spontanément leur bonne volonté. Imaginons concrètement le cas où je suis une plateforme, je suis Deliveroo, je décide que non, je ne suis pas soumis à la présomption de salariat. J'y suis pas soumis. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est aux travailleurs elles-mêmes de devoir faire le recours d'aller devant le tribunal. Et donc c'est un deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'on ne peut pas laisser retomber sur les épaules du travailleur la responsabilité de faire valoir la bonne classification de leur statut. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il nous faut une présomption qui soit générale. Mais attention, une présomption générale, ça veut pas dire qu'elle est pas réfragable. Une présomption générale, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, les vrais indépendants, qui travaillent avec une plateforme qui se contente de faire uniquement de la mise en relation entre eux et un client, ils restent indépendants. Parce que dans ce cas-là, la plateforme a tous les éléments pour prouver qu'il s'agit bel et bien uniquement d'un statut d'intermédiaire et qu'il n'y a pas de lien de subordination. Et juste pour terminer, pour conclure, c'est possible, nous pouvons le faire en tant que co-législateurs. On a entendu parler de l'exemple espagnol. Ce que vous oubliez de dire, c'est que Just Eat, qui salarie ses salariés, est numéro un en Espagne, alors que Deliveroo a quitté le pays, et que la présomption de salariat, ça existe déjà dans un certain nombre de pays. Ça existe en France pour les travailleurs du forestier, pour les VRP, pour les mannequins. Donc c'est quelque chose qui est possible et qui est plus facile, en effet, comme l'a dit Ludovic Vouette, que d'avoir 5 millions, d'envisager d'avoir 5 millions de recours judiciaires individuels. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe. Il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre, Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Jean-Luc Mélenchon est candidat au poste de Premier ministre. Mais vous savez que ça n'existe pas, la candidature à un poste de Premier ministre. Il n'y a pas de suffrage universel pour élire un Premier ministre. On élit une majorité à l'Assemblée et le président choisit qui il veut dans cette majorité ou en dehors. Parfait. Et ensuite, la majorité choisit ou non de renverser le nouveau gouvernement. C'est bien parce que là, on ouvre une page utile pour celles et ceux une page qui nous écoutent oui. et qui peut-être ne comprennent pas. Il n'y a pas d'élection du Premier ministre. Alors, donc... Vous voulez faire l'explication ou c'est mon tour ? Allez-y. Alors, les 12 et 19 juin, oui. il y a des élections 577. Dont le but n'est pas de conférer une majorité au président de la République. C'est ce qui se passe habituellement, c'est vrai. Souvent, le président élu a une majorité. Sauf que là, on est dans une situation où Emmanuel Macron a été élu à la faveur d'un second tour face à l'extrême droite, je le dis par défaut, dans un paysage politique où il n'y a pas seulement deux blocs, mais Adrien, trois blocs. Je peux vous interrompre un quart de seconde? Oui, vous avez mais été il va élu. Falloir que je puisse faire oui, toute l'explication, sinon vous on ne comprendra raison. Pas grand-chose. Vous avez été élu face à qui, il y a cinq ans, comme député? Face à La République En Marche. Face à La République En Marche. Dans le cas des députés insoumis qui ont été élus face à l'URN, écoutez, ils sont pas légitimes? Alors, personne ne dit qu'ils ne sont pas légitimes. Tout ce qui sort des urnes est par définition légitime. Ouais. Mais on peut l'analyser politiquement. Ce que je dis, Marc Fauvel, c'est que le 10 avril, au soir du premier tour, vous voyez émerger trois blocs qui, du point de vue du nombre de voix, sont à peu près équivalents. Vous avez un bloc ultralibéral Emmanuel Macron, un bloc d'extrême droite incarné par Madame Le Pen, un bloc populaire qui a fait 7,7 millions de voix, c'était la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et ce score nous a permis de faire ce que nous avons fait ensuite, c'est-à-dire regrouper ce pôle populaire avec les autres partis qui nous ont rejoints dans le cadre de la nouvelle Union populaire, et désormais donc, les 12 et 19 juin, l'élection législative doit trancher le mandat politique qui va être confié pour les cinq prochaines années. Et donc, je dis à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez souhaité la retraite à 60 ans, si vous avez souhaité le blocage des prix, la planification écologique, l'augmentation du SMIC, et que vous pensiez qu'avec l'élection présidentielle, tout était terminé, ce n'est pas vrai. Vous avez une autre chance. Les 12 et 19 juin, si vous élisez des députés issus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, si nous avons une majorité, eh bien, Madame Borne va pouvoir ranger ses cartons, et son passage à Matignon aura été très court parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre et on appliquera un autre programme. Mais si par exemple... Dans les usines, on assassine des hommes blancs habillés aux couleurs du ciel et qui s'échinent sur des machines. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour voir l'arc-en-ciel dans les usines. On assassine des enfants de 18 ans qui rêvaient d'aller aux Amériques, sous les tropiques, voir l'oiseau de feu vers le soleil s'envoler. Dans les usines, on les domine. de se taire et de mourir, car les usines les endoctrinent. On s'ingénie le dimanche à les faire courir loin des usines. Ils s'acheminent vers des meetings mieux au fond de leur banlieue, loin des usines. On les fascine, on leur apprend qu'ils ne sont pas tout à fait. Dans les usines, on assassine des hommes blancs qui travaillent comme des noirs et qui s'échinent sur des machines. Ils vivent d'amour et d'eau fraîche et de l'espoir de quitter l'usine. Macron et la présidence française nous avaient dit que l'évasion fiscale, promis, c'est fini. Leur absence dans le débat aujourd'hui est certainement le symbole de leur désertion de leur lutte contre l'évasion fiscale. Parce que ils nous avaient dit que les multinationales allaient enfin payer leurs impôts grâce à ce fameux taux minimum de 15%. Sauf que ce taux, il est à peine plus élevé que celui du paradis fiscal de l'Irlande, il est 3 fois plus bas que celui de la France dans les années 80, et loin des 25% que nous proposons avec les ONG. Sauf qu'énormément d'entreprises sont exclues du champ, sauf que certaines activités et certains pays ne seront pas concernés. Bref, ça fait beaucoup de sauf, et pour les McKinsey et autres pilleurs fiscaux, on est un peu passé de l'open bar à l'happy hour. Alors certes, la taille des coupes de champagne est un peu diminuer, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Alors bien sûr, nous gagnons une bataille culturelle, et je me souviens de l'époque, il y a quelques années, quand je travaillais à Oxfam, où nous étions encore bien loin de ce chemin, mais je le dis, chers collègues, passons à la vitesse supérieure et imposons un véritable impôt universel sur les entreprises pour qu'il n'y ait plus de sauf et que toutes les entreprises payent enfin leur juste part d'impôt. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui quand je rapine you, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. On est le parc de centrales nucléaires en France. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire a été entendu à ce sujet hier par des parlementaires au Sénat. qu'est-ce qu'il a raconté ? Il y a un message rassurant. Il explique que les fameux problèmes de corrosion, ça touche 12 réacteurs sur les 28 à l'arrêt, mais que ce problème ne devrait pas se répéter à l'ensemble du parc. Voilà, sous-entendu, il n'y a pas de défaut générique, il n'y a pas de problème systémique. Les deux principaux sites concernés sont ceux de Civaux, c'est dans la Vienne, et de Chaux dans les Ardennes. Voilà, ça veut dire que, bon, 28 réacteurs à l'arrêt, certes, mais seulement 12 pour des raisons de sûreté. À l'inverse, les réacteurs les plus répandus, ceux de 900 mégawattheures, ne sont pas concernés pour l'instant par l'observation de ces problèmes de corrosion, et ça a été confirmé par une expertise qui a été menée sur un réacteur donc de 900 mégawattheures installé à Chinon. Du coup, Nicolas, est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a un message en creux plus inquiétant ? Oui, parce que 28 sur 56, c'est la moitié. La moitié du parc est à l'arrêt. On n'a jamais vu ça. Et en plus, probablement, et EDF le reconnaît, pour plusieurs années. Voilà. Et en plus, il reconnaît, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, que on n'est jamais à l'abri d'autres mauvaises surprises. Et puis, il y a une mise en garde aussi à l'endroit du président de la République, et notamment d'Elisabeth Borne, qui est chargée de la planification écologique. Parce qu'il dit, actuellement, quand on regarde notre parc, on peut pas tenir les centrales en vie au-delà de 50 ans. Or, le mix énergétique que Emmanuel Macron a défendu à Belfort en février, 50% de nucléaire, 50% de renouvelables, il supposerait que les centrales ne vivent pas 50, mais 60. Bon, quelle conclusion on peut tirer de cette audition de l'autorité de sûreté nucléaire ? Eh ben, ça veut dire que quand vous avez votre parc qui est comme ça réduit de moitié, votre production est moins importante, et à un moment où la consommation augmente et où les prix sont déjà chers, eh ben, ça tire les prix à la hausse. Ça veut dire que le prix, hier, après les propos tenus devant les parlementaires, le prix du mégawattheure livrable au premier trimestre 2023 en France, il a touché 545 euros. Alors que, au même moment, le prix du mégawattheure livrable en Allemagne était à 274 euros. C'est pas un problème de coût de production. Non. C'est que simplement, là, il y a la peur, évidemment, de voir la France peut-être manquer de courant l'hiver prochain. Alors, tant que le bouclier tarifaire est en place, il n'y a pas de problème. Là, les ménages sont pour l'instant protégés de ces hausses de prix. Mais ça, c'est le court terme. Plus fondamentalement, ce qui est frappant dans les propos du président de l'ASN, c'est qu'il considère qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, que l'approvisionnement est menacé et que rien n'a été anticipé. Que la filière dans son ensemble a fait défaut par manque d'anticipation. Tout ça est dit très poliment. Mais il y a quand même un petit parfum de procès en incompétence vis-à-vis de l'ensemble de la filière nucléaire française. Il faut faire arrêter les guerres, premièrement. Oui, mais ça, vous savez que Jean-Luc Mélenchon, que c'est pas pour tout de suite. ne pourra pas arrêter la guerre comme ça en claquant des doigts. Qui peut prétendre ? En claquant des doigts, d'accord. En claquant des doigts, ouais, j'y avais pas pensé. Non, mais le problème de l'immigration... J'ai fait plein de formules, parler. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai écrit des textes, et vous, vous Jean-Luc Mélenchon, mais réduire le problème de l'immigration en disant « on va arrêter la guerre », il y a une question de l'immigration qui est d'abord posée. Non, il y a d'abord le problème de la guerre. Vous n'y connaissez rien. Il y a d'abord le problème de la guerre. Deuxièmement, il y a le problème... C'est une façon d'éviter le problème. Non, c'est vous qui l'évitez. Mais parce que y a tout le monde sait bien que ces migrants viennent d'un pays en guerre. Non, non, non, il y a des choses que vous voulez pas dire. Il y a quand même des options politiques à prendre quand on a des millions de réfugiés qui se présentent à nos portes. Des milliards de réfugiés. Vous savez qu'il va en arriver 250 millions de réfugiés climatiques. C'est quoi votre belle pensée sur le sujet ? Moi, je vous dis que la solution, c'est d'empêcher le dérèglement climatique. Ah, mais ça, on peut pas. On peut jamais. Attendez, on peut jamais traiter sur le fond les problèmes. Il y a des enjeux plus immédiats que nous. Il faut arrêter la guerre. Et cette guerre n'a de réalité que pour des pipelines et des gazoducs. C'est tout. Deuxièmement, les contrats que l'on fait avec les pays, d'où viennent tous ces pauvres gens que vous voyez là, sont des contrats léonins qui ruinent leur économie. Et vous avez là-dedans, tout le monde est d'accord pour faire ça, sauf moi. Madame Le Pen, l'autre jour, elle a voté. Elle a voté un accord de pêche avec le Libéria. On s'en fout du Libéria, mais pas moi. Et les pauvres gens qui sont là, 50% d'entre eux vivent de la pêche. On va faire arriver la grosse marine marchande européenne qui va tout racler. Et les pauvres gens qui sont là, quand ils seront ruinés, parce que vous leur aurez pris tout le poisson, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Eh bien, on verra, monsieur Mélenchon. Ça, on ne peut pas le régler. Bon, si, on peut le régler. Il ne faut pas signer ce genre d'accord. J'essaye de vous dire ça avec passion pour que vous compreniez qu'on peut régler les problèmes. On n'est pas obligé de subir tout le temps. On peut régler les problèmes. On peut arrêter une guerre. On n'est pas obligé qu'elle continue. On peut arrêter les accords inégaux commerciaux. On n'est pas obligé de continuer chaque jour à aggraver la situation des gens. Voilà la solution aux problèmes qui nous sont posés. Ce que je dis est réaliste. Tout le reste, c'est des mots, des phrases, du blabla pour exciter les gens les uns contre les autres. Parce que vous ne pouvez plus rien faire. Quand un homme, une femme est là avec un enfant dans les bras, qu'est-ce que vous allez faire ? Je lui dirais, toi, retourne chez toi, te faire casser la figure. Eh ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Que je suis pour traiter les gens humainement. Voilà, c'est tout. Voilà. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il s'agit de coloniser l'esprit de vos bambins et de leur faire gober ce rationalisme économique et technique morbide. Aujourd'hui, nos modes d'évaluation n'obéissent qu'à des critères standardisés, définis, par des degrés d'utilité. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que les choses servent à quelque chose ? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que, si vous voulez, on mesure la valeur d'une activité au degré d'utilité qu'elle peut apporter ? Alors, il y a plus de plaisir. Enfin, c'est quand même un monde complètement obsessionnel